music. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Ils vont délire ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis. Présent. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe. 3, 2, 1. Dès 20h, la trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Wow. Bonsoir, bienvenue, on est en direct avec vous, 20h02, ça y est, là on s'installe, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. On est très bien même. Oh, je suis content, j'ai attendu ce moment, bah là, les 7 derniers jours. Moi aussi. C'est-à-dire que l'émission s'est terminée, j'étais là, oh, on a envie d'y retourner. C'est tellement bien en même temps la semaine passée. Mais le truc, c'est qu'il faut recharger les conneries, tu vois. C'est ça. Ouais. On peut pas les inventer, les vidéos TikTok, les machins qu'on trouve, tous ces délires là, donc il faut attendre des fois. Et on cueille après. Ouais, on fait que ça. On cueille des trucs et ça arrive comme ça à nous et on est trop contents. Parce que cette semaine, on va avoir la pensée positive du jour. Ah bon? Ouais, on va être en paix avec nous-mêmes et la nature et tout. Ça va être incroyable. Ça se passe dans un instant dans le pour-toi de la semaine. Qui a son permis ici? Moi, je l'ai pas. Il y a que moi. Ah oui. Ouais, j'avais oublié ce petit détail. On va parler voiture. Ah. Tu as un petit frère? Oui. Qui nous aime bien? Oui, ah oui. Bon alors, petit frère à Maëva, écoute-moi bien. Pierrot, il s'appelle Pierrot. Pierrot, ouais. Si tu fais des cours de conduite avec Maëva, s'il te plaît, ne fais pas ce qu'on va avoir dans moins de 10 minutes. Non, vraiment, ne fais pas ça. Je préviens. C'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, 31 mai, dernier jour du mois de mai. Oui. Parce que le 32 n'existe pas. Et surtout parce que aujourd'hui, c'est la journée mondiale. Quelqu'un là? Absolument pas. Pas du tout. Oh bah alors. De la fête. Vous n'avez pas votre petit almanach? Votre almanach? Almanach. Non. Bon bah c'est dommage parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale sans tabac et Maëva, on va pas te lâcher avec ça. C'est parti les clopes! Pour les salopes! Et toi t'es une salope? Non, je suis pas une salope! Yeah. Allez, parfait. T'es prête? Alors avant de partir, on n'oublie pas que... Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à vous. Mais je ne fume pas, Jadoul. Je ne fume pas. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à vous. Maëva, elle chante pas avec nous, hein. Si, la première fois, si, là, je rigolais. Elle fait semblant de pas la connaître. Maëva? Oui. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à vous. Fais pas le malin, Kix. Vas-y, dis-moi. Parce que toi aussi, t'as ta journée mondiale aujourd'hui. Ah non. 31 mai, c'est la journée mondiale de la loutre. Oh. Tu ressembles à une loutre? Non, mais t'es paresseux comme une loutre. Ah, merci Jadoul. Cela dit, c'est pas faux. Mais ça a une allure toute paisible, une loutre. Mais c'est trop mignon, c'est l'animal le plus mignon au monde. Ah. Bon, alors je retire. Ça va, Kix? Bah, ça va très bien, et toi? Oui, bah, ça va bien, moi, ça va. Et vous-même, d'ailleurs? Oui, non, ça va. Il s'est rien passé, tout est calme, ta semaine? Ah non, j'ai vu un truc extrêmement drôle aujourd'hui. J'ai eu de la chance, d'ailleurs, je pense que je suis le seul à l'avoir vu. J'étais en train de prendre le train, hein, comme d'habitude. Et là, j'ai vu deux personnes sur une trottinette en train de rouler paisiblement. Et là, tout d'un coup, je sais pas s'il y a eu un trou dans la route, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu les deux personnes voler au-dessus de la trottinette et j'ai fait des cumulades comme ça sur la route. Des cumulades. Oui, j'ai fait mal. Bon, ça, je sais pas, mais c'était drôle. Vous savez que ce couillon, il m'envoie un SMS, il me dit « J'ai vu deux personnes se casser la gueule en trottinette. » Et moi, je dis « J'espère qu'elles vont bien. » Il dit « Je m'en fous, je suis plié de rire. » Bah attends, mais c'était super drôle. Je sais pas ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il en ait rigolé ou qu'il m'ait pas envoyé le message à moi aussi. Pour J'y penserai. Bah, tout ce que j'ai à dire. Allez, Johnny, là, je laisse. Absolument. Tout à fait d'accord. Maëva, t'as plein de surprises pour nous. Ah, je ne t'ai pas demandé comment ça va. Bah, ça va, nickel. J'ai un petit peu énervé parce qu'en voiture, il y a des gens, ils sont pas gentils. Souvent, ils conduisent des Mercedes. Non, mais ça, c'est parce que t'es à Bruxelles. Bah, oui, mais oui, c'est vrai que c'est plus je m'approche de Bruxelles, plus ils sont pas gentils. Genre, ils me doublent et puis quand. Enfin, non, je les double et puis après, ils me redoublent et alors je les. Enfin, c'est quoi ce. Parce que moi, je suis fixée à 120, je règle le truc, c'est la voiture qui conduit, c'est pas moi. Et alors, ben, eux, ils. De toute façon, t'as pas trop le choix puisque comme le levier de vitesse est pété. Non, mais non, non, c'était pas la poufiette aujourd'hui. Ah, ok, d'accord, ok. C'est une vraie voiture. Oui, ma voiture mauve, ma poufiette panda mauve. Elle a combien de roues? 4. Oh, pas mal. Et 2 en plus à l'arrière. Ok, donc les gens qui roulent en BM, t'aimes pas? Non, en Mercedes. En Mercedes. C'était 2 Mercedes aujourd'hui qui m'ennuyaient, mais ça va. Mm. Je suis là, donc je suis contente. Oui, oui, oui. Vous savez qu'elle m'a passé un coup de fil à 57. Elle me fait je suis dans la rue, j'arrive, j'arrive à la radio, je serai pas en retard. Mais je voulais pas que ça se lance sans moi. Ah bah oui, non, bah attends, ce début d'émission sans toi, on l'aurait retardé. Ah non, c'est sûr. Ah non, on en aura arrêté d'ailleurs. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Comme t'es pas tout à fait prête, on met Aya Nakamura. Et on se retrouve juste après avec le pour toi de la semaine. La pensée positive du jour, de quoi être de bonne humeur dans un instant. Toi là, toi tu veux tout. Alors on a fait un choix, soit on laissait tourner la clim et on l'entendait à l'antenne, soit on a pris le parti de décéder. Voilà. Nous allons décéder. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Laissez-moi regarder, 32 degrés dans le studio. Oh bah ça va. Oui mais on c'est bien. Pour l'émission, c'est pour la trappe, c'est pour les auditeurs, c'est pour... Même les ordi, la console, tout est en train de suer. Je savais même pas que du matériel inerte pouvait suer. Je vous souhaite la bienvenue, merci de nous avoir choisi la trappe comme tous les mercredis soir. Je m'appelle Jadoul. Voici dans quelques instants ce qu'il ne faut pas faire en voiture. Mais avant ça, je vous propose de vous détendre. Vous la sentez cette ambiance? Ah ouais. Je sais pas si c'est l'ambiance ou la chaleur qui fait cette odeur-là, mais... Ça donne envie d'un massage. Aujourd'hui, nous allons retrouver une nouvelle youtubeuse. Oui. Elle vient de débarquer sur la plateforme et elle vous propose une chaîne qui s'appelle Les Conseils d'Emma. Emma sont ses initiales. Et elle a sorti une vidéo qui va peut-être vous aider. Écoutez. Hey, salut la communauté, c'est Emma, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour partager des affirmations positives. L'objectif, c'est de reprogrammer notre cerveau avec des phrases qui nous font du bien. Donc je te propose de te mettre dans ta bulle intérieure et de répéter ces phrases avec moi. Allez, c'est parti. Kix, tu vas faire la première si tu veux bien. D'accord. Je suis prêt. Très bien. Merci. Je me sens beaucoup mieux. Maëva, voici la phrase pour toi. Je dis oui à la vie. Je dis oui à la vie. Parfait, sans faute. Mais pourquoi lui, il a le droit de crier? Moi, je dois dire des trucs... Ok, non, rien. Kix? Oui. Voici ta phrase. Oui, je pense qu'il casse un clavier avec. Maëva, c'est à toi. Je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur. Kix, un dernier pour la route. J'ai un peu mal la gorge là, mais allons-y. Non, je crois qu'il y chaise à un moment. Voilà, merci. Là, on l'a. Bon, un petit bonus, Maëva. Oh. Je sais que les échecs sont des étapes du succès. Et je sais que les échecs sont des étapes du succès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous la communauté. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Vous avez remarqué, c'est pas communauté, c'est bisous la communauté. Le montage est fait à la truelle. Hein. Voici Flo tout de suite. Avec Missy Elliott. Ah, à toi aussi. Dans un instant, on va parler voiture. Let's go. Il fait bon, il fait chaud sur Bruxelles, ça fait du bien. La trappe, tous les mercredis dès 20h. Avec du soleil. Avec Jadoul. Jadoul. Sur KIF. Bon. Je ne vous le cache pas, Maëva, Kix, j'ai oublié de vous annoncer une grande chose, un grand événement. Ah, positif? Très positif. Ah. Ah! C'est le retour de Claude dans la trappe! Mais c'est merveilleux! Oui! Il est là, il est où? Je le vois pas. Le gars qui participait au marché de Noël? C'est ça. Mais il est trop génial, lui. On l'a laissé reposer 5 mois, Et là, il va revenir dans l'émission. Ah, il vient tout à l'heure, alors. Oui. D'accord, c'est pour ça que je ne voyais pas. Pas en même temps que Jean-Michel. Non, non, pas en même temps. On s'est arrangé pour que ça s'écarte un peu, cette histoire. Excuse-moi, parce que là, je viens d'avoir peur. Non, non, mais là, je peux vous dire qu'il est très en forme. On a prévu une séquence avec lui. Ah, j'ai hâte. Qui va être folle, c'est dans 5 minutes. Vous restez avec nous avant ça. Maëva est la seule de cette équipe à avoir le permis et qui roule et qui pratique évidemment la conduite. Donc, c'est la seule qui peut transmettre son savoir quelque part. Oui. Tu le ferais? Non. Non, non, d'accord, ok, très bien. Non, déjà légalement, je peux pas parce que j'ai pas mon permis depuis assez longtemps. Et ensuite, souvent, on partage un savoir quand on est bon dans ce savoir. Ouais, je comprends. Ok. C'est pas pour tout de suite, alors les cours de conduite pour toi. Mais pour ce père, c'était un grand moment. Il attendait ça depuis des années. Il a son fils qui a une quinzaine d'années. Vous savez, c'est le moment où il vient à peine de muer. Il est au volant. Et là, ça y est. C'est ses premières secondes de conduite, les premières sensations au volant. Voici comment ça se passe. Come on. Oh, give a gas. Oh non, putain! Sorry. Ça a duré exactement. Oh non. 0,9 secondes de conduite. Oh, et je pense que c'est le trajet le plus court et le plus accidenté. C'est-à-dire qu'il était sur une ligne droite dans une rue. Et là, il n'a pas compris qu'il fallait mettre le volant de manière alignée à la route. Donc il a juste foncé dans un palmier, juste sur le côté de la route. Palmier qui a défoncé le capot, la portière droite. Oh. Le père a dû sortir par le siège conducteur. La totale, quoi. Vraiment, je pense que c'est le jour de conduite dont il se souviendra le plus de sa vie. Tant que ça le traumatise pas du volant. Ah oui, ouais. Parce qu'il y a ça. On rigole, mais on va devoir passer par là un jour, nous. Ouais, Attendez encore quelques années, je pourrais vous apprendre. Oui, bah voilà, quand mamie Maëva, elle aura 40 années de conduite. Mais coupez les palmiers, s'il vous plaît. Oui, et pas de palmiers, pas de. Voilà. Même un parking, c'est trop compliqué pour nous parce qu'il y a des lampadaires. Ok. D'accord, je note. On va attendre que l'autopilote de la Tesla arrive en Belgique, ça te va? On fait comme ça. Moi, je rêverais de rencontrer. Vous savez, cette dame qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec ce rire. Un rire de bagnole. Ouais, parce que si on compare. C'est quasi pareil. On n'en est pas très loin. Merci de nous avoir choisi La Trappe, c'est jusqu'à 22h et des poussières, bien sûr. Dans quelques minutes, on va parler festival aussi avec Maëva. Oui, je vais vous faire un petit top 3 des festivals belges. Oh, ah bah oui. Oh, mais oui. Ça, c'est mais oui, ça c'est fait oui. plaisir. Ça. Et j'en cite même encore d'autres, mais il n'y en a que 3 que je vais. Parce que sinon, on va passer toute l'émission à parler de ça. Oh, oui, il y a beaucoup de choses à en dire. Avec Claude qui arrive et ta séquence, franchement, on est déjà bien débordé. S'il te plaît. ne fais pas déborder le bazar. Avant sa pub. La page de réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Vous appréciez les spécialités italiennes aux arômes subtils qui mettent en éveil vos papilles. À votre intention, s'est installée à Carnion une épicerie italienne sous l'enseigne Fujitsu, où vous trouverez charcuterie, pompe à bière, frigo, table, chaise, bar LED, verre, couvert, vaisselle, verrine, friteuse, fromage, protection solaire, alimentation italienne et vin sélectionné. Fujitsu, c'est aussi douche à l'italienne et un service traiteur avec une variété de plats emportés dans le but de vous faire découvrir la saveur authentique de la vraie cuisine italienne préparée par des tapecs dans la pure tradition de là-bas, avec de la pâte fraîche et des ingrédients d'origine, afin de vous proposer des produits homemade, utilisation de produits naturels, pierre, bois, tels que acacia et châtaignier. Venez goûter la différence. Fujitsu, fermé 7 jours sur 7. Pour les joindre, un seul numéro d'appel, numéro 112, visible sur Facebook. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Bienvenue! Tous les mercredis dès 20h, c'est avec Jabou. Présent. Dans la trappe sur KIF. Oh là là, je suis heureux, je suis. Tiens, mais là, sur nous, t'as pas un disco 2 de Michael Jackson? Non, ça j'ai pas. On rigole un petit peu, qu'on danse. Non, non. Et il fait chaud ici chez toi. Oui, ça, mais ça c'est la magie du mois de juin, Claude, qui démarre demain d'ailleurs. Il est de retour, mesdames et messieurs, après 5 mois sans nouvelles, il est sur antenne et Claude est là pour terminer la saison avec nous. Yo les gars, c'est génial de vous revoir. Oh incroyable, déjà tout le temps pas changé, hein. C'est bien tes grosses cernes à ta bedaine là. Tu vas finir par me rattraper, hein. Oui, ça va, j'ai encore un peu de marge avant de vous ressembler. Durant les fêtes, vous étiez notre envoyé spécial sur le marché de Noël de l'émission. Ce mois-ci, vous revenez pourquoi? Bah pour la thune, hein, il est marrant lui. Chômage, ça va 5 minutes, mais 5 mois c'est long, hein. Avec le prix de l'agneau, moi j'arrive plus à suivre. Hein. Bah attendez, ça veut dire que vous n'avez rien fait durant les 5 mois là qui viennent de s'écouler, rien du tout? Oh, de banalité, du quotidien, ouais. Qu'est-ce que je te dis? Bah c'est-à-dire... J'ai vendu un concept d'émission TV, RTL TV. Ah bah c'est loin d'être banal ça, Claude, c'est quoi? C'est le cache-cache, j'ai piqué le nom à énergie, j'ai pris un animateur qui a plein d'humour raffiné. Passion pour les serpents, pour les reptiles en général. Pour les reptiles en général, ouais, oui. Moi aussi. D'ailleurs, dans le milieu, on m'appelle Jean-Michel Zécaille. Ah ouais, j'avais oublié cette vanne. Quand même, hein. Ouais. C'est une famille qui défonce toute leur maison à grands coups de masure et des hacks dans la gueule dans les plus beaux meubles. Ah ouais, ouais, je vois bien. Genre un extrait, ça donne quoi, là, le truc? Je dois fracasser la porte de notre chambre. Eh ben, casse la porte. Voilà. Ah ouais, quand même. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai compris, c'est génial. Mais ici, on n'est pas trop client de cette émission, Claude. Hein. Ah, on m'a soufflé que vous alliez essayer de trouver un job pour cet été et que vous allez faire cette quête avec nous. Qu'est-ce qui vous irait bien? Je sais pas, moniteur de colonie de vacances ou scout, par exemple? Non, les gamins, je peux plus. J'ai à l'origine des 4 dernières alertes Child Focus. J'ai une ordonnance du juge. J'ai une ordonnance du juge pour ne plus m'approcher des petits morveux. Ah, c'est super ça. Non, c'est pas super. Avant, je pouvais attendre devant les écoles avec quelques bonbons et des jouets pour voir les jeunes poulettes s'approcher de moi. Ah oui, non mais alors ça, c'est cette époque déjà, c'était un peu chelou, hein. Des bonbons, des poulettes. Est-ce que cette technique fonctionnait? Non, non, les nanas me maquillaient la gueule en me disant que j'étais un sale pervers. Ben ne parle pas au passé, hein, Claude. Hein, vous êtes bien présent. Vous êtes. Ah oui, pardon, j'avais pas lu ma phrase. Ne parlez pas au passé, Claude. Vous êtes bel et bien en ce moment un bel obsédé. Et arrête, hein, ne mélange pas tout toi non plus. Hein. Je touche pas aux mioches. Hein. J'étais missionné par un confiseur pour les bonbons, mais ma technique de vente n'était pas tout à fait au point. Ça, je confirme. Se poster devant une école avec des bonbons, c'est jamais très bien vu. Bon, Claude, je vous invite à aller faire un tour. Vous aérez l'esprit et vous revenez dans vois, une. Ce matin. Pardon, Claude. Ta gueule. Vous arriérez l'esprit et vous revenez dans une heure pour nous faire découvrir un job que vous allez peut-être pratiquer cet été, d'accord, Claude? Ah ben tu vois, ce matin, en volant du cuivre le long des rails de la SNCB, j'ai bien fait hein, de remplir mon coffre de carapace que j'ai piqué sur le chantier à côté de la radio. Allez, ciao les gamins, moi je vais aller affonner tout ça dans ma caisse et on se retrouve tout à l'heure. Bis. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Ah ouais, il était un peu rouillé Claude, mais ça va bien se passer. On le retrouve aussi dans moins d'une heure, il aura peut-être trouvé un métier d'ici là. Bon, affaire à suivre. Et Maëva nous parlera festival dans quelques minutes, juste après l'Algérie, nous, en classique. Merci l'Alger. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. J'avais oublié ce que c'était le syndrome Claude. Vous savez ce que c'est? Non. Non. C'est-à-dire que je peux plus m'empêcher de parler comme Claude. Ah, l'accent. Oh là là. Ah là là. Mince. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis bien calé au fond de mon siège. Bah naturellement, je l'aurais dit. Je suis bien calé dans le fond de mon siège. Ah bah là, ça va être reparti durant un mois, deux mois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Claude. Oh. On vous prépare une surprise avec Claude. Ah. On sait que c'est le dernier mois de l'émission qui va arriver. Donc, pour la fin de la saison, on est en train d'essayer de monter un truc. Je peux pas en dire plus, mais... Ça va être festif. Claude fait partie de la magouille. Ah. J'adoule ce roi du teasing. En tout cas, quoi qu'il arrive, il sera avec nous tout ce mois-ci sur l'antenne chaque semaine. Deux fois par émission. Chouette. Quoi? Lui aussi, tu l'aimes pas? Mais... Oh, t'aimes personne. Si, j'aime bien Jean-Michel. Non, j'aime bien Jean-Michel. Gentil, ouais, c'est gentil. De loin. Qui sera notre invité Kix dans un instant? Ce sera Seb, mieux connu sous le nom de Seb Lafrite. Ok, d'accord, ce sera l'interview combinée. Avant ça, parlons des festivals. Yes, parce que ça y est, c'est le mois de juin. Et déjà, le mois de juin, c'est mon mois préféré, pour plusieurs raisons. Moi aussi. T'es vrai? Ouais. Ah, pourquoi? Vas-y, on se fait un petit plat de loin. Pourquoi c'est ton mois préféré? Parce que je trouve que c'est cette période, vous savez, que j'appelle dans mon jargon la sève qui monte aux arbres. Pardon, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Et vaut mieux pas savoir. Et vaut mieux pas savoir. Non, on s'en déconne. C'est un mois, je trouve, où tout le monde est joyeux parce que tout le monde a ses vacances en tête et les choses avancent. Tac, tac, tac, les mails, les machins, il n'y a plus de problème, tu vois, là ça roule. Là, il y a un roulement. Ok. Pour moi, le mois de juin, c'est un mois où ça fuse, il y a les trucs qui y vont et tout, c'est la fin de la saison aussi, on sait où on va, bam, bam, bam, on a les deadlines et tout en tête, c'est génial le mois de juin. Et il fait beau, il fait chaud, paysage change. Le retour des petits barbecues entre amis, rosé. Maëva qui porte des robes et tout. Les émissions en terrasse bientôt. Et, ouais. c'est mon anniversaire aussi au mois de juin, c'est pour ça que j'aime bien. On en a rien à foutre de ça. Okay. Moi j'adore mon anniversaire et aussi surtout le. On rigole. Hein. Le mois de juin, c'est le retour officiel des festivals. Ouais. Voilà. Et moi tous les ans, fin juin jusque juillet, parfois août, j'ai 2-3 concerts et c'est absolument à chaque fois génial. Donc j'ai décidé de prendre toutes les informations que j'avais, de faire quelques recherches pour que le mois de juin devienne aussi votre mois préféré. Ouh. Voilà, donc on commence avec pas des moindres, le Rock Werchter Festival. J'y serai, je sais pas si c'est vraiment un élément de motivation, mais j'y serai, voilà. En robe? Je ne sais pas. Non, je mettrai sûrement mon t-shirt de groupe, si tu veux tout savoir. Donc c'est un festival que j'adore parce qu'il est vraiment oufissime. C'est 4 jours, 4 scènes. Et cette année, il se déroule du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2023, forcément, à Werchter, en Flandre. C'est plus ou moins à 1 heure de Bruxelles. La line-up, elle est internationale. Elle est forcément principalement rock, parce que Rock Werchter. Et il y a les... Oh, l'ambulance, elle veut pas fermer sa gueule. Excusez-moi, il y a une ambulance qui passe, j'entends que ça depuis 3 minutes. Pardon, poursuis, j'essaie de te défendre. Non, mais oui, merci. Donc je disais, il y a les Red Hot Chili Peppers. Genre, c'est juste pour ça, c'est génial. Ils sont encore en vie. Mais arrête. Donc il y a les Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop, les Arctic Monkeys. Tina Turner. Non, mais... Elle s'est décommandée en dernière minute. Hein. Mais t'arrêtes. Et il y aura Régine. Tu oublieras tous ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous. Alors, déconne, le line-up est canon, hein. Bah oui, mais tu caches tout. Il y a aussi The Black Keys, Muse, Lil Nas X, Stormzy. Enfin bref, c'est vraiment, il y a vraiment une super line-up. Et c'est vraiment un chouette festival vraiment bien organisé. Les infrastructures sont magnifiques. Genre vraiment, on a envie de se poser là-bas. C'est beau, il y a des beaux décors. Il y a aussi plein de choix niveau bouffe. Il y a des activités, du divertissement. C'est propre. J'y suis allée. Ah oui, c'est surtout ça. Parce que les festivals, hein, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais j'en ai fait assez que pour savoir que des fois, les conditions, surtout quand tu prends le camping. Oh! Ouais, mais là, pour te dire à quel point c'est propre, l'année dernière, j'y suis allée le dernier jour, donc souvent, il y a des milliers de personnes qui sont passées par là, c'est souvent crade. Oh. Je suis allée aux toilettes, j'ai pu m'asseoir tellement c'était propre, en fait. Parce que je sais pas comment ils s'arrangent avec les bénévoles, mais il y a toujours des gens qui sont là pour nettoyer, ramasser les déchets, pour l'écart aussi. Ah, aussi, ceux qui y vont, ne vous inquiétez pas s'il faut se garer loin, il y a des navettes, enfin, c'est super bien organisé. Non, mais c'est toujours à la propreté des toilettes qu'on voit la tenue du festival et ça. À la sécurité. C'est deux points sur lesquels moi je négocie pas. Eh ben, ils sont top du top pour Rock Werchter. Niveau ticket, ben, faut se bouger parce qu'il y en a plus que disponible que le jeudi et le vendredi. Le vendredi, c'est où il y a les Red Hot Chili Peppers et où j'y suis, donc prenez vos tickets. Par contre, pour le samedi, dimanche et le passe 4 jours, ben, il y a une liste d'attente. Donc, je sais pas vraiment si ça donnera quelque chose, mais on peut s'inscrire et s'il y a des places qui se libèrent, eh ben, on vous recontacte. Okay. Deuxième festival de ma sélection, c'est le Dour Festival qui est un peu comme une bouffée d'air frais pour les amateurs de musique et les fêtards invétérés, on va pas se mentir. Hein. J'y serai aussi, je sais toujours pas si c'est. Oui, mais écoute, si le but c'est faire des meet and greet avec tes fans et de faire des dédicaces. Cela dit, je sais maintenant pourquoi elle aime bien Jean-Michel. Avec qui? Pourquoi? Parce que Jean-Michel aime bien boire et je pense que Maëva aussi. Bah, non, j'y vais pour la musique. Jean-Michel, on parle de lui depuis le début de l'émission. Il y a peut-être des gens qui nous rejoignent et ils savent pas qui c'est. Jean-Michel, c'est l'ivrogne qu'on retrouve chaque semaine dans son troquet, dans son bistrot. Voilà. Et cette semaine, vous allez voir, il y a de la nouveauté aussi, mais on vous en dit pas plus. Il y a qui dans ce festival? Donc déjà, c'est du mercredi 12 au dimanche 16 juillet, et il y aura, niveau rap, c'est pas plutôt pas mal. Il y a Damso, Relsan, Lompal, PLK. Il y a aussi beaucoup d'électro avec The Blaze, Phoenix, plein de petits artistes. Ah, j'adore! Et il y a aussi plein de trucs artistiques au Musique d'Our Festival. C'est pas juste de la musique, il y a des expositions, des performances théâtrales, etc. Et pour les tickets, tous les jours sont encore dispo, donc on peut foncer. Et enfin, troisième festival que j'ai sélectionné. Cette fois-ci, c'est du côté de Liège. C'est le célèbre festival Les Ardentes qui a lieu cette année du jeudi 6 juillet au dimanche 9 juillet. Et là, je m'adresse à tous les amoureux de rap et de hip-hop parce que l'affiche, c'est du lourd. Vachement, c'est du lourd. Allez, on s'accroche. Il y a Kendrick Lamar, Travis Scott, Central C, Booba, Aya Nakamura, SCH, Lorenzo, Hamza, Josman, Gazo, Niska, Fresh. Bref, que des noms que je vois ici dans notre programmation musicale. Donc, si c'est votre kiff, foncez parce que là aussi, il y a encore des places tous les jours. Waouh. Ah ouais, non, là c'est du Dour. Non, Les Ardentes, tu les suis Ardentes, même pas. Les Ardentes, ok. Liège. Pardon, oui, j'étais. On fait le troisième. Non, c'était déjà le C'était le troisième. Ok, mais merci. Ce que je vois, c'est que tu m'écoutes, c'est parfait. Mais non, mais parce que j'étais concentré sur une chose. J'attendais un élément dans ta chronique. Quoi? Dans quel festival il y aura Baby. Dans quel festival il y aura Bibi Flash? Ce soir, on sort, on oublie nos galères. Ce soir, on sort, je ne sais pas. Non, mais si, franchement. si Bibi Flash n'est dans aucun de ces festivals, je peux te dire comme moi, tu m'y verras pas. Mais c'est parce que t'aimes pas les festivals, mais il y a des gens qui aiment bien ça, et voilà. Ouais, enfin, excuse-moi, c'est joli sur les photos, hein, les festivals. Ces beaux champs avec plein de belles pelouses. Je vous dis qu'au bout de 3 heures, la pelouse, c'est de la boue. Manque ouais. plus qu'une petite mais pluie belge. T'as fait 2 festivals dans ta vie, moi j'en fais 18 par an, et, oui, et c'est génial. Mais j'ai fait 2 festivals, ce qui me permet de m'exprimer. Je suis aigri et je t'emmerde. Dès 20h sur Gaïev. Ouais, pas se laisser faire non plus. Nouveauté, voici Coloré. Et juste après, on reçoit Seb Lafrite, alias Seb maintenant, pour l'interview combinée. Coloré. Non, c'est sympa ce délire. Combiné. On rentre dans le vif du sujet. Avec comme invité cette semaine dans l'interview combinée. Bonjour, je m'appelle Seb, anciennement Seb Lafrite. Quelqu'un connaît, quelqu'un regarde oui, juste de nom. Pardon. Non, depuis. Depuis. Qu'est-ce qu'elle dit, Maëva? Ça fait des années qu'il existe, 10 ans. Ok, qui l'aime bien ici? Non, je rigole, on va pas foutre la merde. voici donc Seb Lafrite. Seb, maintenant, parce que. Est-ce qu'il a un lien avec la friteuse? Je ne pense pas. La fameuse friteuse Seb, sans huile? Non. Ah, c'est vrai que ça pourrait peut-être. Il faudrait se renseigner. Peut-être un lien. On va faire des questions qui sont censées être plus drôles que celles du média combiné. Combini, pour en faire une interview. Combiné. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai emmêlé les pinceaux là. Attends. Ça va aller, j'adore. C'est la première fois que je fais ce jeu. On démarre par toi, Kix. Alors, la tomate dans les panini. On l'enlève. C'est vrai. Pas du tout bas. Oh non, la tomate. Ah, mais j'adore. Alors, mais quelle idée. Non, mais la tomate, quoi. C'est trop bon. Oui, et puis quand tu mords à moitié dedans, bah ça tombe sur ton t-shirt blanc là, et bah tout. Oui, et ça donne un petit côté pâteux, comme ça c'est immonde. Tu vois, ça a le côté liquide du concombre qui est pas trop désagréable sur le concombre. Sauf que la tomate, elle a pas de tenue. Ouais, c'est vrai. Quelle conne cette tomate. Maëva, deuxième, première. Quand un enfant gâche la photo en pleurant, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. Ouais, pas mal. Quand quelqu'un devient gênant dans une entreprise, on l'enlève. Oui, bah oui. Ah, c'est pas ça s'appelle de la séquestration. Je suis le moins drôle. Il est pour moi celui-là. Deuxième, Kix. Alors, ta sextape sort bientôt sur internet. Kix. Oui, Jadoul. On avait eu une réunion. Oui. Et il fallait que on ne démarre pas les phrases par. Alors. Très bien. C'est vrai. La deuxième, Kix. Alors. Non, je sais pas. Ta sextape sort bientôt sur internet. Sur internet, non. Voilà, mais dans les vidéoclubs et les bonnes adresses, peut-être. Oui. Maëva. Je l'ai pas. Tu l'as pas? Non. Tu l'as pas. Désolé. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein? Non, mais sans déconner, quoi. Sans déconner. Non, je te jure, j'ai cherché jusqu'au dernier moment, il n'y a rien de drôle. Gagner de l'argent, c'est bien, mais en vendant son corps. Sur internet, non. Ah non. Sur internet. Oui, ok. Ce que je fais dans ma chambre à coucher ne vous regarde pas. Troisième. Une chambre d'hôtel à 20 000 euros la nuit à Cannes. C'est cool. Oui, j'espère bien, parce que pour 20 000 euros la nuit, si ça ne l'est pas, Maëva. Qu'est-ce qu'on répond à Kix quand il nous parle de ses pieds? C'est cool. Oh, mais c'est pas gentil, ça. Jadoul? Moi, attends, mais je suis offusqué. Waouh, il y a du boulot encore. Moi, c'est ce qu'il répond s'il voit ses pieds. Ou alors il dirait... Je refuse plus que je fais des choses. Pas des bêtises. Si il neige de la poudreuse chez Pierre Palmade. C'est cool. Ah, c'est vrai. Ça marche. À mon avis, c'est pas la même poudreuse chez lui. Maëva. Oh. Bon, ouais, ok. T'as quand même réussi à faire 3 vannes là-dessus, donc je pense que c'était quand même pas mal, mais après, chacun son avis. Oh. Oh. Et les rébellions là. Y'a pas de souci, Jadoul. On va où? Nous sommes donc dans une émission sans pub cette semaine. Pas de pub. Hop là, autoroute du bonheur, on continue comme ça. Et ça, c'est le plus grand kiff. Parce que dans quelques minutes, on va avoir le hockey boomer. Maëva, tu vas nous parler de... Des V. Il y a 3 lettres. Des VPN. Mais non, mais j'ai appuyé sur mon micro et j'ai cru que c'était éteint. Des VPN. Oui, le petit interrupteur, généralement, s'il est rouge, c'est qu'il est allumé. Mais oui, mais en fait, oui, bon, bref. J'ai pas expliqué un truc technique pour éviter quand ça résonne. Quand c'est toi qui parles, j'essaye de m'éteindre. Et là, j'ai eu un spasme. Et donc, le truc s'est éteint et je. Voilà. Non, vraiment, ça résonne pas dans ce studio. Mais non, jure. Pas du tout. Mais non, je te jure. Des 20h, c'est Jadoul sur KIF. Qu'est-ce que c'est? Oh, ne serait-ce pas issu des dernières sorties de Romeo Elvis? Iggy Pop. Exactement, c'est ce qu'on écoute maintenant. Et on retrouve Maeva après. La vie est magique un peu. Hein. Urban Music Non-Stop, c'est bien. Hip-hop and R&B. Les délires de la trappe en plus. C'est mieux. Un conseil utile, mémorisez dans votre répertoire téléphonique le 0478 383 22 097 10 28. Numéro d'appel de... Yeah. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Un jour ou l'autre, il vous sera utile. C'est pas vrai. Le mec des pubs qui s'incruste même dans les jingles. Non mais, il y a plus de limite là. Ce serait énorme qu'il vienne un jour avec nous. Mais avec on ne le connaît pas. Avec Jean-Michel et tout ça. On ne le connaît pas. Non, mais il faudrait le connaître justement. Mais lui, faire, dites-vous que c'est pas un personnage qu'on invente de toutes pièces avec des gens de l'équipe. C'est vrai. C'est un vrai gars. Ça peut lui faire un choc en fait. C'est sa vraie voix. Voilà. Je suis fasciné. On est toujours en train d'investiguer parce qu'on a toujours même pas son visage, on a à peine son nom qu'on a retrouvé récemment et peut-être qu'un jour on en saura plus. En attendant, okay, Maeva va essayer de vous tenir à la page pour rester connecté et rester au sommet de l'information technologique. Nous parlons des VPN. Exactement, je vois ça partout. Par exemple, dans les vidéos de Squeezie, il est souvent sponsorisé par ça, Cyprien. Et je me sentais vraiment boomer parce que je savais pas du tout c'était quoi. Attends, avant ça, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. C'est ça, on est d'accord que cette pub, elle est là de partout. En boucle, partout. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile? Je vais essayer de vous y répondre. Donc déjà, VPN, qu'est-ce que c'est? C'est Virtual Private Network, en anglais, qui veut dire réseau privé virtuel. Donc en fait, c'est un outil technologique qui permet de sécuriser et protéger notre connexion Internet. En gros, comment ça fonctionne? C'est super technique. Enfin, ça, c'est pour ceux qui veulent savoir. Lorsqu'on se connecte à un VPN, le trafic en ligne, il est chiffré. Et en fait, il est acheminé à un serveur distant. Et ça crée comme un tunnel sécurisé entre notre appareil et la connexion Internet. Donc, l'un des principaux avantages d'un VPN, c'est la confidentialité et la protection de notre vie privée en ligne. En masquant, en fait, l'adresse IP réelle. Donc par exemple, même si on va à l'étranger, on peut pas voir qu'on est à l'étranger. Ça, en fait, on sait pas d'où on vient. Ah, j'espère que tu vas expliquer dans quelques instants pourquoi c'est pratique. Oui. Bah oui et non. En gros, bah, déjà, ça empêche donc les entreprises, les annonceurs et même le gouvernement, pour ceux qui pensent aux théories du complot, de suivre notre activité en ligne. Donc est-ce que c'est pratique, oui ou non? Ça, c'est à chacun de savoir. Mais par exemple, quand on fait des recherches, etc., ou on est quelque part et on reçoit des pubs par rapport à l'endroit où on est, ou si on a fait une recherche par rapport à des bougies et qu'on a des pubs de bougies, mais ça, c'est le genre de truc que si ça vous énerve, un VPN va totalement empêcher ça. Parce que vous n'êtes pas traçable. C'est ça, exactement. On dit toujours, on est écouté. C'est vrai que toi et moi, on va parler d'un sujet. Je sais pas, oui, le coup des bougies, ça m'était vraiment arrivé. J'avais une marque que je ne connaissais pas. J'en parle avec quelqu'un devant mon téléphone. Deux jours après, j'ai la pub Facebook de cette marque. Et avec Kix, on a déjà fait des expériences comme ça au bureau. Ouais. On a posé le téléphone au milieu de la table et on a discuté de trucs du style. Moi, j'aime beaucoup la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, Siri. T'entends? Et donc. À peine 2 heures plus tard, en scrollant sur Facebook, bam, pub pour des pots de peinture à l'huile chez Action. Ouais. C'est ça. Bêtement. Et moi, une fois, j'étais à Rome. Forcément, j'ai jamais de publicité à Rome, mais là, j'avais des publicités de choses qui se passent à Rome. Donc vraiment. Toi, de manière ciblée, t'avais des pubs pour du rhum. Ça, c'est autre chose. Aussi. Donc voilà, c'est vraiment ça l'outil principal du VPN. Ça peut aussi être bien si vous voyagez, vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics qui sont souvent, qui mettent en péril vos appareils parce que t'es vulnérable par rapport aux attaques et au piratage. Le VPN va aussi protéger vis-à-vis de ça. Maintenant, est-ce que c'est utile, oui et non? Ça dépend de comment vous vous positionnez par rapport à votre confidentialité, tout simplement. Oui, bah, le rapport à la technologie, il faut très vite le définir parce que, en soi, tout ce qu'on fait sur Internet est traqué. De nos jours, c'est incroyable. C'est ça. Et ben, honnêtement, ne connaissant pas, donc je viens de découvrir ce qu'était un VPN, ne sachant pas que tout ça existait et sachant que si ça existait, c'était payant, je me suis fait à l'idée, tu vois. Je sais que je suis écoutée, je sais que je vais avoir des pubs personnalisées, vraiment trop personnalisées. Tant pis, c'est la vie. Alors, il y a peut-être des gens que ça gêne fortement. Il y a des solutions. Vous pouvez aller sur VPN et tu as parlé notamment de la pub qu'on a tout le temps. NordVPN est un des plus connus. Et niveau qualité-prix, j'ai été me renseigner, il est vraiment pas mal. Donc, pour toi, NordVPN, c'est celui qui arrive en numéro 1? Oui, d'après. Moi, je trouve qu'en termes de com, c'est quand même aussi les numéro 1. Niveau com, oui. ils sont très très doués, les petits cocos là. Ouais, ok, c'est tout? C'est tout, voilà. C'était la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un en parler, vous serez plus à dire, enfin, vous comprendrez la conversation et j'espère que je vous ai aidé. Bon, alors, vu que tu l'as pas dit. Petite astuce pour regarder toutes les séries qui ne sont pas disponibles dans le catalogue Netflix belge. Nous vous invitons à prendre un VPN vous connectera aux États-Unis, en France et dans les pays dans lesquels vos séries préférées sont disponibles. C'est également très pratique pour regarder tous les replays sur MyTF1 et Sisplay. Avec un VPN, vous pouvez désormais accéder aux émissions qui sont géobloquées. Je peux me permettre une remarque ? Ce n'est plus possible, étant donné que tu n'es pas au courant. Il est détecté. On peut plus gruger sur Netflix, on doit faire un seul foyer. Ou alors c'est toute ta famille qui doit être avec toi aux États-Unis. Mais moi, ma famille, elle est dans un jet comme ça qui voyage dans tous les pays. Ah ben ça, c'est plus possible sur Netflix. Tu es obligé d'être tous les mois de revenir vers ton foyer mère, te reconnecter à cette connexion Internet. Le foyer mère. Et si tu n'y vas pas, eh ben tu reçois une amende ou tu reçois une amende en fait. Ah ben c'est cool. Donc si tu pars en vacances 3 mois, tu peux pas utiliser ton Netflix que tu payes pendant 3 mois. Ah, c'est encore très au point ça. Dès 20h, c'est la trappe. Même Jamy et Fred, ils n'auraient pas réussi à l'expliquer plus simplement que toi. Merci. Oh Fred, mais t'es où ? Oh Jamy, je suis là, en haut de la falaise. Voici Flo. 2h sans pub, ligne droite avec tous vos délires préférés. L'émission s'appelle La Trappe, je m'appelle Jadoul et maintenant on passe au... Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du festival. Vous allez jouer en 3 manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de 3 indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces 3 sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du FaceTime, à table FaceTime. Bon, vous êtes parti pour jouer à ce super jeu FaceTime ? Ah non, on n'est pas parti, on reste. On va jouer, t'inquiète pas. Oui, c'est vrai, on part pas. Allons, on démarre tout de suite avec la première personnalité, le premier indice. Quelle heure est-il ? Madame Sardine, 4h moins le quart. Il y a quelques ans, je connaissais pas ce titre. C'est vrai ? Ah, c'est nouveau pour moi ça. Ah, maintenant tu le connais du coup ? Ouais. Ah mince. Elle a une chapelle. Et que fait-elle ? De la dentelle. Pour qui ? Pour qui ? Pour Jésus-Christ. Ah, ça change de Hamza et PLK. Ok, d'accord, ça bon, c'est donc, le premier indice. Jadou le sait, donc on va. Tu veux directement. Ah non, je sais pas. Tu n'as pas d'idée, Maëva ? Ah non, je sais pas. Moi, je sais pas ah, non plus. Tu sais pas, tu connais la musique, mais tu ne sais oui, pas. Oui, c'est ça, d'accord, okay. J'aurais buzzé sinon. Ok, alors. Pas de souci. Deuxième indice alors. J'ai vu un grand mec avec 2 chaussures différentes, dont une noire. Il a des cheveux blonds et des yeux bleus. Oui ? Pierre Richard. Bonne réponse, c'était bien Pierre Richard. Ça fait déjà 1 point pour Jadoul. Le grand blond, évidemment. Le grand blond, la chaussure noire, oui. Évidemment. C'est ça. Et puis, mais la voix qui, on aurait dit une vidéo TikTok. Et quelle heure est-il, ah, Madame oui. Persil ? C'est lui ? C'était lui, oui, c'est ça. Quoi ? Et je le savais pas non plus. Je connais la musique, mais j'avais pas l'auteur. Et oh, notre Pierrot, Pierre Richard. Ouais, il fait sa petite, il fait sa retraite en faisant du vin, c'est ça ? Et c'est Madame Sardine, hein. Au cas où le titre. Oui, le titre, Madame Persil. Madame Persil. Qui était presque. Ça avait un sur le Kiwish. Et oui, il fait sa retraite à Gruissant, il vend du vin, etc. Il est très proche, hein, de Pierre Richard, qui s'y va même. Oui, je vis avec, je bois des verres avec. Non, c'est vrai, hein. Bon, non, je suis fan. On raconte pas des conneries. Deuxième personnalité, deuxième, premier indice. Et lui, j'avais rendez-vous avec lui, il m'attendait, tu vois, à la gare de Viroflay, tu vois. Et donc, sur le quai, tu vois. Et donc là, je descends, je fais, asse-toi Clément, tu vois, ça va Clément et tout, la Ouni et tout, on s'est mis au téléphone, ouais. Et là, le train, il commence à partir, je dis, putain, j'avais oublié mon carnet de lyrics, tu vois, dans le train. Ouais. J'ai couru, j'ai sauté dans le train, alors qu'il était en train de rouler par la fenêtre du train. Et je suis rentré dans le train, c'est ça la première, ma première fois avec Clément. Bon, alors, ça paraît un peu mytho, c'est un chanteur ou un rat, ouais, c'est un. Mais Eva, en tout cas, il parle en jive. Ah ouais, ouais. Il a ce petit accent. C'est un rappeur, à mon avis. En tout cas, les auditeurs connaissent. Oui, ah, ça, oui, ah, oui. C'est un truc. Les auditeurs KIF, connaissent, ça. Voilà. Le jour, on connaîtra les artistes qui passent sur KIF aussi, mais, on oui, va se le dire honnêtement. Il y en a tellement, il y en a tellement. Ben... Mais comme ils sont tous bons, on peut pas tous les retenir. Voilà. Allez, on passe au deuxième indice. Lafouine. Bonne réponse, ça fait un. Hey. Un partout. Ouais, je ça va être compliqué pour vous départager. Ah, tu m'aurais dit Barbichette, j'aurais trouvé. Et d'ailleurs, et Lafouine, faut qu'on en parle. Oui. Transformation totale. Ah oui. Ce n'est oui, plus une Barbichette, mais une barbe. Ses bras, c'est ma cuisse. Ouais. Non, et, mais. Et il sait même plus respirer maintenant quand il se filme. C'est vrai. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais, d'accord. Voilà. Déjà que j'ai calculé. Rien que le dos de Fraîche, ça fait 2 Jadoul. Donc, en termes de largeur. Donc, ouais, Lafouine, lui aussi, wow, il est devenu massif. Ouais. Montre un peu. Il a fait de la muscu avant. Fais tourner. On dirait The Rock avec. Oh putain, ah oui, pardon, je savais pas que c'était à ce point. Ah si. Ah oui, c'est. Ah, il remplit bien son t-shirt, hein. D'ailleurs, le titre de l'article, c'est « La fouine dévoile son impressionnante musculature ». Et montre un peu là où on voit ses bras, là. Et là ? Là, à côté. Ah, ton écran, il est tactile. Oui. Oh la vache. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais, il a bien pris, franchement. Ouais. Même, je pense que si on additionne Kix et moi, on n'arriverait pas à ça. Non, ah, non, non. On arrive à peine à son mollet. Mais Eva. Quoi ? Hein ? Non, mais. C'est violent ce que tu dis. Allez. Ah, regarde, on voit ses bras, là. Oui, mais on s'en fout. Allez. Il est tout nu en plus. En poster de ta chambre. Bon, allez, troisième personnalité. On a tous en nous une envie de se faire peur, oui. Mais ce film avant tout est un film, je crois. Enfin, je pense intelligent. Catherine Laborde. Absolument pas. Merci. Mais merci pour ta proposition. Bah, Eva, une idée ? Aucune. Aucune idée ? On passe au deuxième indice alors. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pas l'idée? Que tu remixes des chansons pour que ce soit plus dur, ok. Ah oui, mais là j'avais pas le choix parce qu'en fait, si vous écoutez bien, on entend la musique derrière, hein, mais okay. Vraiment, oui, il fallait vraiment être attentif. Bon, là on a le casque à fond, on n'a rien entendu. Voilà, mais c'était fait un petit peu exprès. Du coup, on passe au troisième indice. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique, vous? Farm Miller. Ah bah oui, voilà. C'est bon. Vas-y, Maëva. Mais je la respecte. Mylène Farmer. Bonne réponse. C'était bien Mylène Farmer. Du coup, ça fait 2 points pour Maëva et 1 pour Jadoul. Donc quoi? Ah, donc c'est une victoire de Maëva. Mais du coup, j'ai une question. Oui. Laisse-moi terminer d'être frustré d'abord. Oui, pardon. Il y a Jadoul qui est en train de crier dans le fond du... C'était quoi la musique que t'as remixée? Voilà, et bah tu vois, j'avais bien fait de préparer ce bonus-là. Alors on va entendre en fait d'où vient ce son. Et là, ça vient en accéléré, attention. C'est immonde. C'est immonde. C'est... Hein. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Et sans transition, voici Drake. Je fais exprès de le laisser un peu tourner, hein. C'est plus agréable. 21h06, ne serait-ce pas une heure idéale pour démarrer la deuxième heure d'émission, oh, mais si. Ça ne se fera qu'au top de Maëva, et sans son top, on ne fera rien. Ok, 3, 2, 1, top. Imaginez, il dit non. L'air de rien, imaginez. J'y pense, elle me fait non. Bah écoute, connard, toi tu vas te démerder dans ton émission. Dès 20h, si Maëva veut bien. C'est la trappe. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. That's life. C'est un peu dur, genre, hein. Tous les mercredis dès 20h, c'est Jadoul sur Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver tous les mercredis soir. On est avec vous. Regardez-moi ce coucher de soleil qu'on a sur Bruxelles. Magnifique. Ah, ce ciel, il fait beau, il fait chaud. J'espère que vous avez pu en profiter aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas fini. Les beaux jours sont encore là pour encore quelques temps. Ouais, quelques temps, hein, parce que c'est la Belgique, hein, on rappelle, hein, on va pas non plus s'emballer. Plein de belles surprises arrivent pour vous. Radio Falminioul sera là. On va se connecter à ces professionnels, à leur manière. En tout cas, il faut de la radio. Voilà, ça c'est juste la base. Après, est-ce qu'ils le feront bien? Non, on sait pas. C'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Et on aura aussi le Fallait nous le dire plus tôt avec Maëva d'ici 10 minutes. Maëva. Oui. De quoi va-t-on parler? Alors, je sais pas si ça va vraiment être utile cette fois-ci, mais je trouve ça trop mignon. À quoi ça sert le pompon des bonnets? Le pompon? Sur les bonnets, il y a c'est des pompons. C'est une bonne question, ça. Il y a une utilité au pompon? Bah, alors, elle l'est plus vraiment. Mais il y a eu une utilité, c'est pas juste quelque chose d'esthétique. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Enfin, pas mignon, mais je trouvais ça drôle. Il y a un... Alors, d'accord. Bah alors, franchement, là déjà, tu m'en apprends une. Ah oui, mais voilà ce que je me suis dit. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi est-ce qu'il y a un pompon sur les bonnets? Est-ce que c'est en cas d'avalanche? Si jamais t'es à la montagne et on veut te repérer? Non. Non. Bon, ok. Faire une petite partie de pétanque, ça t'enlève toutes les boules des bonnets, puis tu fais une petite pétanque comme ça. Ouais, dans mais la pétanque molle, au moment, ça fait pas de bruit. Si tu fais ça en appartement, ça fait pas de bruit. Ouais, mais ça n'a rien. Là, le plaisir, il est plus là, alors. Honnêtement, vous ne trouverez jamais. Bon, bah, sympa. Merci. Hein, ça veut dire qu'on est vraiment trop cons. Non, mais te fatigue pas, on a compris. PLK arrive dans quelques minutes, Hamza aussi, mais avant ça, il est temps de faire nos infos qui... Exactement, et là on va se diriger simplement ici même, on fait quelques pas, on va à la station de Saint-Gilles, dans le métro, pour retrouver cet homme qui à 4h30, mercredi dernier, s'est fait coincer la jambe dans le volet d'accès à la station Porte de Halle à Saint-Gilles. Les pompiers sont intervenus, évidemment. Alors, selon un communiqué officiel, les services médicaux, la police et les services techniques de la STIB se sont relayés pour essayer de transporter le mec qui s'est coincé la jambe à l'hôpital sous escorte du SMUR. Le porte-parole des pompiers de Bruxelles a déclaré que les circonstances de l'accident restaient à déterminer. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'il s'est coincé la jambe. Et je vous rassure, là, il y a quelques heures, un autre homme s'est aussi coincé la jambe dans les mêmes circonstances dans ce volet. Est-ce l'alcool? Est-ce la fatigue? Un problème technique? On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est fou. L'image est folle. On voit un mec suspendu comme un jambon, comme ça, avec des policiers en train de... Mais il a, ça va, la jambe, elle est pas déchiquetée non plus. Elle a juste été très compressée avec quelques os cassés. Mais non, c'est quelque chose. Bon, Kix, quand on te demande s'il ne t'est rien arrivé pour te rendre sur Bruxelles, pourquoi tu dis pas la vérité? Ouais, je suis désolé. Mais non, mais sérieux, on sait tous que l'individu c'est toi, tu devrais te déclarer. Ouais, je sais, mais bon, j'ai un peu honte. Ça ne peut être que toi, et rien que pour ça, tu... Allez, on n'en parle plus. Au Royaume-Uni maintenant, deuxième info qui passe à la trappe, les gardes-côtes ont été alertés d'un accident, un incident étrange impliquant un véhicule. Alors celui-ci s'est retrouvé submergé par la marée haute, il a été retrouvé garé dans la mer, près d'une plage de Cornouailles, si je dis pas de conneries. Alors, est-ce que cette histoire aurait pu arriver à Maëva et sa poufiate? Absolument pas. Non? Non. Allez, Maëva, tu nous mens en direct, là. Non. Alors que Kix, lui, il a dit la vérité. Mais ouais, j'ai avoué, moi. Moi, non. C'est pas moi. Enfin, bon, je pourrais pas faire ça. Pour la peine, tu rejoins Kix et tu... Voilà, quelle équipe. Au moins, ils sont ensemble. Troisième info. En France, une séance de loto dans la salle communale de Montagnac a pris un tournant tumultueux lorsqu'une octogénaire a commencé à frapper les tables avec sa canne. Ouais. Alors cela a rapidement dégénéré en bagarre, causant des blessures à un homme et choqué tout le village. La dame, assez âgée, est connue pour semer la terreur depuis de nombreuses années. Ah bah oui, bravo. Putain, c'est une spéciale sur Maëva ou quoi? Oui. C'est toujours pas toi ça? Non. Évidemment, menteuse, tu re... Oh là là, mais c'est pas vrai. Sincère, on a dit. Honnête avec les auditeurs et dans le vrai. C'est important. Ouais, ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait sur sa canne? Parce qu'on va encore se prendre des coups dans la gueule. Les 20h, c'est Jadoul sur KIF. Lâche cette canne! Bon, le temps qu'on écoute PLK maintenant, et Hamza dans un instant, on va régler nos problèmes avec Maëva. On revient dans un instant, merci d'être là. Eh bien, on s'est réconcilié avec Maëva, elle nous a offert une danse du ventre sur ce titre et c'était absolument magnifique. Des chauffeurs dans Bruxelles et la soirée est longue. Encore! Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul, dès 20h, sur KIF. J'ai pas les mots, je sais pas. Qui aime bien, châtie bien. Mais purée, tu dois vraiment me kiffer. Hein. Ouais. Ouais. La confiance en soi ici. Non, je t'aime vraiment bien, Maëva. Voilà. Okay, ça, comme ça, tu le sais. Voilà. Ouais, ok. Je me mettrai en 4 pour toi. Ah bon? Et autre chose en 4. Mais bon, ça. N'en parlons pas. Cela ne nous regarde pas. Non, non, mais j'ai abandonné. J'arriverai pas à la pécho d'ici la fin de la saison. C'est fini. Je suis pas sa cam. Qu'est-ce que vous voulez? Elle aime autre chose. Les camionneurs. Les camionneurs avec des tatouages et évidemment des bretelles. Et je ne fais pas partie de cette catégorie de la population. Il fallait nous dire plus tôt. Allez, dans quelques instants, pourquoi est-ce qu'il y a des petits pompons sur les bonnets? Moi, j'étais avec des ficelles aux accoudoirs du vélo, ce qui n'est pas du tout ce que tu vas nous faire deviner. On va retrouver maintenant nos deux acolytes, René et Guy. Il est l'heure de retrouver Radio Falmignol. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où René fait une blague à Guy. Bonjour chers auditeurs, vous écoutez en ce moment Radio Falminioul sur la 97.8 ou même de nos jours en Rab Plus. Vous venez de prendre l'écoute, Guy va vous expliquer la folle opération du moment. Oui René, nous vous offrons la possibilité de remporter un séjour agréable dans l'une des chambres luxueuses du home, le dernier voyage, pour profiter pleinement de vos derniers moments de vie. Pour participer, contactez-nous au téléphone payant de la station, le 0912 14 19. 12 euros la minute. Le premier d'entre vous qui nous fait sonner le téléphone et dira « Prostate !» remportera ce magnifique séjour. Merci Guy. Bon, je dois te laisser les commandes, les grosses têtes vont commencer. Ça fait 25 ans que j'ai pas loupé une émission et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Oh, René ! René, on nous appelle ! Oui, allô ? Guy à l'appareil, vous êtes en direct sur Radio Falminioul. Quelle est votre réponse ? Allô ? Je vous appelle et je vous dis prostate ! C'est mon dernier mot, Guy. Et c'est la bonne réponse. Félicitations, vous êtes le grand gagnant de ce concours. Vraiment, j'ai gagné. Ah, je fais... Ah, oh, mon cœur, une attaque. Allô? Je vais faire un cardiaque. Ah. Allô? René? René, viens vite, nous sommes en train de perdre notre gagnant. Allô? Allô? Répondez, s'il vous plaît. Allô? Il ne répond plus, René. Oh là là, Guy... Tu as tué un auditeur. Tu vas finir en prison jusqu'à la fin de ta vie. Oh non, je ne vais pas pouvoir supporter un tel désastre. Moi aussi, je suis gardien, tu sais. Je t'ai bien eu, Guy. L'auditeur, c'était moi. Guy, Guy, oh non, mon vieux. C'était une blague, j'ai dit. Allez, relève-toi. Guy, allez, debout, on est en direct. Allez, couchez, Guy, fais le beau. Allez, Guy, c'est bien. Bien, chers auditeurs, je m'occupe de Guy, je reviens d'ici quelques minutes. Oh. Allô ? Bonjour, je m'appelle Derek. Vous m'appelez pour Guy ? Il est gravement malade. Il va mourir. Bah, comment c'est possible? C'était une blague. Moi, je faisais un gag au téléphone à mon camarade. Mais il y a une chose que je ne saisis pas. Vous êtes plutôt bel homme. Vous avez de l'allure. Vous ne devez sans doute pas manquer d'amis du sexe féminin. Oh, bah, la seule femme que j'ai connue dans ma vie, c'est ma mère. C'est une remarque bien amère. Mais je ne comprends pas. Elle est morte en 87. Qui? Maman! Pouvez-vous mettre cette cassette? Oui, oui, bien sûr. Oui, pardon, c'était la mauvaise face de la caisse. Faites ce que je vous dis. Oui, oui, je devine, allez, je la remets. Mon fils qui va mourir. Il va mourir. Oh non, monsieur Derek, sauvez-moi. Vous allez mourir. Comme lui va mourir. Votre mère a été arrêtée. Nous allons appeler un médecin. Elle est en pleine dépression. Merci, inspecteur. Mais enfin, René, réveille-toi. Tu t'es endormi durant les dédicaces. Oh mon Dieu, Guy. T'es en vie. Tout ça n'est pas réel. Viens me faire un bisou, mon vieux. Mouah. Oh, beurre. On ne refait plus jamais ça, mon vieux. On dirait une vieille limace. Constatez que la FM a encore du punch. À bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. On a fait un selfie avec l'équipe là, à l'instant dans le studio, et on s'est rendu compte que Kix systématiquement a une tête. Non. On a l'impression qu'il va éternuer. Mais c'est pas vrai, j'ai une tête comme ça, je suis né avec une tête comme ça. Tu plisses les yeux, tu déploies des narines. Ah oui, c'est chelou, ouais. T'as la position, c'est comme ça. Mais non, mais. Mais je ne sais pas faire. Attends. Non, je n'arrive pas. Et alors, comme il est persuadé que c'est complètement. Faux ce qu'on est en train de dire, il nous fait mais regardez là sous cet angle là, regardez là et là comme ça. Non mais c'est parce que c'est pas le même angle. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Mais ouais. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Du coup je l'ai. Ah pardon. Je disais du coup je l'ai quand même mis en story même si t'as l'air d'éternuer. Hein, Tu nous as identifié qu'on puisse un peu repartager ça. Mais oui. Envoyez-moi des mouchoirs s'il vous plaît. Pourquoi faire? Bah si j'ai envie d'éternuer. Ah. Quand les gens vont voir ma story, c'est ce qu'ils vont envoyer, oui. Alors, le fallait nous le dire plus tôt. Maëva répond à une question du quotidien que personne ne se pose. Et cette semaine, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des pinces à vélo sur les... Non, des pompons sur les bonnets. Les pompons sur les bonnets. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des pompons sur les bonnets? Parce que... Il n'y avait pas des bonbons sur les bonnets. Non, j'en sais rien. C'est impossible à trouver. Impossible? Ouais, quand je l'ai lu, moi, j'étais là genre... Oh. Je peux vous donner un gros indice. Vas-y, un tout petit indice. Je sais pas. Alors, on donne la moitié de l'indice. Donc, de base, les bonnets avec pompons, ça vient des bonnets des marins. Je sais pas si vous voyez, là, blanc avec pompons rouges. Ah oui. Je pense savoir alors. Vas-y. Et donc du coup après c'est devenu une mode et on en a commercialisé pour nous tout le monde. Mais ça vient de là. Et alors du coup pourquoi eux on a foutu un pompon? Je sais. Pas pour la mode. Tu sais aussi? Non, pas du tout. Moi je pense que c'est comme les épaulettes. Tu vois, c'est le grade. Si t'as le pompon rouge, c'est pas bête. Ça. C'est que tu es le capitaine du bateau. Mais après, ils avaient tous un pompon rouge. Tout le monde avait un pompon rouge. Ouais, si t'as le pompon bleu, c'est que Le patron, le capitaine, souvent c'est une casquette. Donc non. C'était pour les marins quand ils se noyaient comme ça. T'avais le petit pompon qui faisait comme. Un petit flotteur. Oui, il y a un pompon, juste simplement pour dire l'expression. C'est le pompon. C'est le pompon. Hein, c'est le pompon. Allez. Bon, bah, on abandonne, Maëva. Savais pas. Mais en fait, c'est parce que souvent, les cabines à l'intérieur des bateaux, c'est très bas et avec la mer, on bouge et tout ça. Et donc, ils se cognaient toujours la tête. Et donc, le mais pompon non. permettait d'amortir. Et quand ils se tapaient la tête contre le plafond, eh ben, ça amortissait. Mais c'est une énorme blague. Mais je te jure que non. Et alors, rouge, pourquoi? Pour qu'on puisse les repérer au loin. Parce que, ils sont tout en blanc et bleu marine. Et alors, rouge, ça pète ce petit détail. Et donc, de loin, on peut dire, ça, c'est un marin. Alors, ça veut dire que si on devait construire un élément de vêtements pour Kix, il faudrait mettre des pompons sur tout son corps. C'est ça que je pensais. Ouais. Partout. C'est mais énorme. Ce serait formidable. Donc c'est pour ne pas que les marins se cognent à cause des mouvements du bateau. C'est ça. Wow. Voilà. Vous avez dit que c'était mignon. Vous avez vu comment on en apprend des choses avec Maëva. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. On retrouve Mister Nash maintenant. Et dans un instant, oh là là, ce n'est plus le troquet, ni le bistrot de Jean-Michel, mais c'est la terrasse de Jean-Michel. C'est l'été. Bienvenue. C'est inévitable. Ah oui, là il est l'heure de retrouver Jean-Michel. Le crypto troquet est mort, le troquet aussi, le bistrot de Jean-Michel aussi. Là on est passé, attention, au level supérieur. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Alors on va tester hein, parce que j'entends que la liaison est bonne étant donné qu'il y a du bruit. Jean-Michel, super. Est-ce que vous êtes là, Jean-Michel? Allô, Jadoul. Oh, ça me fait plaisir de vous entendre. Attendez, parce qu'il y a du bruit là autour de vous. Essayez de vous isoler un peu. Vous êtes où là en fait? Actuellement, là, je suis en terrasse. Ah, c'est donc ça. Je change un petit peu. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être dans le bistrot, vous êtes devant le bistrot. C'est ça. C'est super. Ah, bah, ça fait plaisir aussi de vous entendre, Jean-Michel. Nous sommes très heureux de vous revoir, enfin de vous réentendre. Vous faites quoi de beau? Vous êtes dans votre troquet, donc devant. Alors oui, mais vu qu'il fait bon et que nous sommes bientôt en été, je profite d'être en terrasse avec quelques verres, quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais dites-moi, Jean-Michel, vous n'auriez pas une petite anecdote à nous faire part? Bon, une anecdote, j'en ai une qui va vous faire sourire, mon Jadoul. Alors, dans la semaine, alors que je profitais de ma 20e bière en terrasse en l'honneur du 20 km de Bruxelles, hein, je sais pas si t'es au courant. Ouais, j'ai vu un peu, ouais. Eh bien, j'ai entendu un bruit très étrange à côté de moi. Un bruit étrange? Qu'est-ce que c'était? Eh bien, tu devineras jamais. C'était un pigeon. Alors oui, un simple pigeon qui avait décidé de s'installer juste à côté de moi. Non mais sans déconner, un pigeon, et qu'est-ce qu'il foutait là ce pigeon? Attends, c'est là que ça devient amusant. Ce pigeon, Jadoul, il avait l'air d'avoir un sacré sens de l'humour, hein. Il s'est mis à fixer avec ses yeux ronds, hein. Il avait des tout petits yeux. Et il m'a fait des petits mouvements de tête, comme ça, c'était très mignon. Hein, comme s'il voulait me raconter son histoire. Ah ouais, moi, c'est fascinant. Je pourrais imiter le pigeon toute la journée. Mais ah c'est bon vraiment incroyable, votre histoire. Mais croyez-moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir trouvé un nouveau compagnon de discussion. Ah oui, bien sûr, oui, bah oui, évidemment. Permettez-moi un autre, s'il vous plaît, merci. On aurait dit qu'on se comprenait parfaitement, ce pigeon et moi. Alors, j'ai commencé à lui raconter mes problèmes, mes joies, mes peines, comme si c'était mon meilleur ami. Et je lui ai offert sa première bière. Vous avez offert un... Ah mais non, mais Jean-Michel, vous n'offrez pas une bière à un pigeon. Mais vous êtes fou, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, c'est gentil, merci. Mais non, c'est pas un compliment, Jean-Michel, vous êtes fou. Non, je disais merci parce qu'on m'a porté un verre. Bah, il l'a bu que sec, puis il est sorti. Ah, il a sorti trois bulles de son bec et il s'est envolé en zigzagant. Ok, d'accord. C'est pire que je ne le pensais. Écoutez, Jean-Michel, il valait mieux qu'il s'envole avant que vous lui offriez ce deuxième verre, parce que ça aurait pu mal finir avec votre nouveau compagnon de terrasse. Ah ben justement, il a mal fini. Il s'est pris un camion en plein fouet. Mais non. Oh non, c'est horrible, Jean-Michel. Oh non, bah pour une fois que vous étiez fait un ami, mon Dieu, Jean-Michel. Oui. Oh mais j'y peux rien, s'il prend la route après avoir bu, je pensais qu'il rentrerait à pied, moi, pas en volant. Non mais... Jean-Michel, sans déconner. On peut pas vous retenir. Vous pouvez pas vous empêcher de faire des bêtises. Merci pour cette anecdote, Jean-Michel. Ah, de rien. Rappelez-moi de ne plus vous en demander. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Hein. Une émission brassée avec notre savoir-faire. Se déguste avec sagesse. À consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. D'accord, ça ne s'arrêtera donc jamais avec Jean-Michel. Hein. Non, je pense pas. La folie, elle n'a pas de limite. Hein. Ouais, c'est Nino et juste après, on rejoue au jeu suédois. Oh yes. Est-ce que l'équipe aime les DJ? Oui. Bon. Ouais. Fan de DJ. Bah t'es fit DJ toi en plus. Bah oui, mais oui. Mais j'aime bien DJ FLP. Oui, t'aimes bien ton père, oui, heureusement. Imagine à l'antenne, elle fait. Alors ouais, j'aime pas trop les DJ et j'aime pas mon père. Ce serait horrible. Ok, bah, merci à tous, hein, c'est gentil. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Jadoul, dès 20h sur KIF. Parce que dans un instant, nous allons avoir un DJ dans notre certifié. C'est la séquence qui arrive dans 3 minutes. Ok. Avant ça, il est temps de refaire notre jeu. Alors non, mais non, on peut pas dire la marque, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous a jamais appris à faire de la radio ici? Ce n'est pas le jeu Ikea, mais c'est le jeu... Voilà. Truc le moins discret de la Terre. Je vous propose de jouer, c'est très simple. À chaque fois, des articles Ikea, à vous de me dire, parmi les trois propositions que je vais vous faire, quel est le vrai article qui existe vraiment dans la vie. D'accord. Ouais. Oh, ça, c'est pas gagnant. Non. Je peux vous dire que là, on est loin d'avoir un grand chelem, comme on dit. Hein. Mais c'est ce qui est magique dans les noms suédois des articles Ikea. Je vous propose qu'on démarre et c'est Kix qui va mener la danse. Je suis prêt. Feshka. Oula. Feshka est... A. Une plante artificielle. B. Un Jadoul russe. C. Un cintre à chaussures. Je dirais la plante artificielle. Tu dis la plante artificielle, c'est-à-dire la réponse A et... C'est une bonne réponse. Yes. Bravo. Maëva. Oui. Lisxlovas. Est-ce que ce sont A, des rideaux occultants, B, une chauffeuse convertible, alias un pouf? Est-ce que c'est Lisxlovas? Oh oui, oh oui. Nickel, j'allais te demander de le répéter, mais la troisième réponse était non. Je choisis la une. Tu dirais la une? Des rideaux occultants. Eh ben non, c'était une chauffeuse convertible, alias un pouf. Kix. Oui. Knarvik. Tess, oui. Est-ce que c'est le prénom de ton cousin allemand, en A? Est-ce que B, c'est un store à enrouleur occultant? Ou alors C, c'est de la sueur suédoise? Ah, non, le store, ça me paraît plus logique. Pardon, je me suis trompé de ligne. D'accord. Est-ce que c'est une table de chevet? Pardon, ah. J'ai sauté. Non, mais je vais quand même dire le store. Tu diras le store. Oui. On vérifie tout de suite. Eh ben non, c'était une table de chevet. Mince. Maëva. Oui. Transpire, nard. Ah, ça c'est de la transpiration chinoise. Est-ce que c'est A, un transat, B, un couvre-lit, C, de la sueur suédoise? Un transat. On vérifie. Non, oh, c'est un couvre-lit. D'ailleurs, il faudrait que je m'en achète un, c'est assez... j'ai vu le catalogue, c'est sympa. La pique la gare. Est-ce que c'est A, une housse de couette et une taie d'oreiller, B, une boîte métallique, C, un lapin voiture Kix? Le premier, les draps et les, enfin les, la taie d'oreiller. L'ensemble de lit, quoi. C'est ça. Bonne réponse. Yes. Je crois que j'en ai des lapis clalas. C'est quoi? Les trucs, là. Mais ou mes parents, mais ça me dit quelque chose. On se fait la dernière? Dis-moi. Trauma. Est-ce que c'est A, une horloge murale, B, un triste souvenir, C, une pince à épiler? Le trauma, qu'est-ce que c'est, Maëva? La A. Une horloge murale. On vérifie. Bonne réponse. On en est où au niveau des points? Alors, j'ai 2 et Maëva a 1. Tu gagnes? Il faut croire. Tu gagnes? Mais c'est pas normal. Tu gagnes! Vous n'y croyez plus. Et c'est finalement arrivé au bout d'une saison entière. Il fallait le jeu suédois pour le faire gagner. Franchement, Kix, tu m'impressionnes là sur le coup. Je te félicite et même Maëva, elle est très joyeuse pour toi, elle est contente là. Ah ouais, c'est vrai, vraiment. Ah bah t'as vu, et pour une fois qu'elle est pas mauvaise perdante. Range le couteau, Maëva. Jadoul et son équipe dans la trappe. Hey Rastar, tout de suite et juste après, on se fait le certifié. Comme je vous ai dit, ça va parler DJ. Et ça va être très sympa. Il s'est passé un truc de fou dans le studio, on en parlait en début d'émission. On sait que les téléphones nous écoutent, ça c'est pas un truc qui est nouveau. Mais il y a quelques instants, on parlait, c'était à l'antenne ou hors antenne? Parce hors que antenne. Comme on est tellement... Hors antenne. Hors antenne, j'ai dit que j'aime... En fait, j'ai dit qui veut des sushis? T'as dit non d'ailleurs. Parce que j'avais... Mais tu pas avec des sushis. J'avais en tête de commander, donc voilà, c'est ce que tu m'as dit. Donc on a parlé un moment de sushis. Et j'ai reçu 5 minutes après une notification Uber qui disait: vous voulez commander à emporter de choix pizza, sushi, burger? Ouais. Alors que j'ai des notifications Uber, c'est méga rare, vraiment. Mais c'est marrant parce que là, la notification Uber Eats, hein, qui oui. te dit voulez-vous des sushis 5 minutes après avoir parlé de sushis dans le studio. Moi, j'en ai une avec un pote. J'étais en train de dire, tiens, c'est marrant, depuis que j'ai déménagé, je commande plus du tout Uber Eats. Donc ça veut dire que mon compte, là, pour le moment, Uber Eats, il est mort. Et d'un coup, j'ai eu une notif, ouais. Uber Eats. Tiens, ça fait longtemps, on aimerait bien vous revoir. Oh, vous nous manquez. Ça ou tous les quand tu veux partir en voyage, par exemple, que tu parles d'Airbnb ou quoi, aussi tu vas avoir plein d'annonces d'Airbnb. Dans la foulée, voilà. Un mail, t'as pas encore été voir. Évidemment. Oui, mais pour ceux qui nous ont écoutés plus tôt, il suffit de t'acheter un VPN. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord, ok. Ah, j'ai une notif. Voulez-vous du Viagra pour... Oh, non. Ok, orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Les 20h, c'est Jadoul sur KIF. La trappe. Oui, justement, en parlant de ça, Claude sera là dans quelques instants. Il est de retour dans l'émission et il va essayer de trouver un job pour cet été. Va-t-il y arriver? Va-t-il trouver enfin sa voix pour cet été? Ça, c'est la réponse qui arrivera d'ici quelques minutes. Avant ça, il est temps de faire notre certifié. Comme chaque semaine, on tombe sur une pépite de l'Internet. Alors, parfois, c'est rigolo et parfois, c'est juste trop bien. Si vous n'avez pas le sourire, si vous avez besoin le matin de vous donner la pêche et que vous avez besoin d'avoir quelqu'un de solaire qui a toujours vraiment cette vibe qui te donne envie de bouger, de sourire et d'être ultra sympa avec tout le monde, je vous propose de découvrir Suat. Vegas, baby! Vegas, baby! It's New York, New York. New York, New York. New York. If you're watching live, come and find me. Come and find me. Venez me trouver si vous regardez le live. Suat est un DJ qui se balade avec ses platines accrochées à lui, comme Rémi Brica et sa fanfare, sauf que lui c'est des platines. Et il se balade dans toute la ville avec tout son matos pour pouvoir diffuser de la musique, mixer et être bon ambi avec tout le monde. Oui, j'ai déjà vu ça. Il y a plein de gens qui le suivent en plus. Ouais. sur la, enfin, sur la route ou dans les, dans la ville, peu importe. Ah non, mais c'est trop bien. Et ce mec a un sourire à toute épreuve. Ouais. Mais c'est ça qui est génial. J'ai envie d'être avec lui, hein. Ouais, ça dit. Et ça marche super bien. En plus, tous ces titres, elles sont juste énormes. C'est un espèce de groove où t'as envie d'être avec lui. Avec un cocktail, peut-être. Allez, à la limite, avec modération, hein, bien sûr. Non, franchement, il est absolument génial. Vous savez de quoi ça manque ? Non. Une fanfare. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Sauf que moi, il dit pas Vegas, baby. Bref, il fait tous les pays du monde et il essaye vraiment de diffuser son projet SWAT, un petit peu partout. Et ce qui est génial, c'est qu'il a été à Rome récemment. Alors, on peut pas vous mettre les sons parce que c'est de l'anglais et tout, c'est un peu compliqué. Il faut les images, il y a des sous-titres et tout, c'est un peu compliqué à suivre. Mais en gros, le mec, il va avec... Tout son équipement, là, tout qui est sur lui, hein, ses platines, ses enceintes, ses batteries et tout, à Rome, dans le cœur historique, ouais. Là où c'est le plus touristique. Et dans son délire, il se fait arrêter par la police. Ah. Parce qu'il était en trottinette électrique, sans casque, avec toutes ses machines. Forcément, c'est pas très bien vu. Il se fait arrêter par les flics veulent sa carte d'identité, il ne l'a pas. Et donc, durant 8 heures, il va être tenu en détention parce qu'il a tout son matos. Et pour les gens de Rome qui sont un peu coincés, ils comprennent pas. Et évidemment, aucun des gens là ne parle anglais. Ah, donc, magnifique. Barrière de la langue, lui ne parle pas italien, eux ne parlent pas anglais, personne ne sait l'aider. Et il est dans une galère incroyable, la vidéo est juste folle, c'est à retrouver sur sa chaîne YouTube. SWAT, c'était mon petit coup de cœur du jour, je l'ai découvert hier. Et franchement, le mec est d'une ambiance. Et je connais des personnes qui ont assisté à ça en réel, qui étaient avec lui, si. Et bah il paraît que c'était vraiment très bien et puis ils ont mis des petites stories comme ça, c'était vraiment très chouette. Et c'est absolument fou, mais ah, il s'est mis de l'ambiance. Ah mais il est good vibe quoi, ouais. J'adore. Et on voit que c'est un véritable gentil quand il se fait arrêter par les flics, parce que ce qui est valable pour tous les DJ, quand t'as quelqu'un un peu relou qui vient et qui commence à toucher à ton matériel. Ouais. Tu vois, là, t'as les mains sur le truc. Et le main, attention, là, il y a une prise. Non, attention, vous ne touchez pas à ça, vous ne touchez pas à ça. Mon père, ça l'énerve, ça l'énerve. Ouais, il y a pire. Il y a le mec bourré qui vient, qui passe derrière les platines. Oui. Qui s'appuie sur ton épaule. Et qui fait tu me mets, s'il te plaît, le titre. Allez, qui fait na na na na. Et tu me le mets, s'il te plaît. Merci. Et c'est ce bouton-là, si j'appuie sur ce. Ah non, c'est pas celui-là. Faut pas chercher plus loin, il y a un Kix ici dans l'émission qui fait très bien ça avec le cartoucheur. Ouais, c'est vrai. Il touche à tout n'importe comment. Ouais, il envoie des sons n'importe quand, Kix. Ouais, c'est fou. Ouais, mais alors... ça existe vraiment, ça. Mon père, il en a chaque soirée. Ça l'énerve. Alors en plus, il doit passer derrière le truc. Donc, il risque de prendre ses pieds dans les fils parce qu'il y a la lumière et tout. Mais c'est dangereux. Et ouais, mon père, à chaque fois, il dit, il y en a toujours un dans la soirée qui vient me casser. Le con. Et oui. Il te demande un titre, et au moment où il le passe, il n'est pas là. Ouais. Et il vient te le redemander. Oui, parce qu'il est parti fumer dehors et tout. Exact. Ah, là, ouais. Bah, ouais. Bon, on a retenu, SWAT. Guys, we're live on the internet. If you're in CVS, scream. Ah. That was an easy one, to be fair. Il est incroyable. Vraiment, coup de cœur. Faut préciser que SWAT, c'est bien son nom. Hein. Ouais, SWAT, c'est son nom de scène. Voilà. Pourquoi ? On a dit. On a retenu SWAT ? Ah oui, non, c'est vrai. C'est la trappe sur KIF. Voilà, attendez, j'ai des boutons partout. Hop, on appuie là-dessus. Tout est allumé. C'est mon premier jour. Hein. Dans quelques instants, le Blind Clet sera de retour. On va jouer avec les pires reprises de TikTok. Ça va être juste fou, il y a du dossier cette semaine. Et Claude sera là pour trouver un job pour cet été. Et le capitaine, il a le pompon de quelle couleur, on a dit ? Rouge ! Mais non, il a une casquette, Maëva, elle a dit. Oh, ah, tu l'écoutes pas, vrai, mais c'est pas vrai. Des chauffeurs dans Bruxelles, et la soirée est longue. Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ah, maintenant, c'est Claude. Claude, ah, Claude, le retour. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument que vous découvriez ce jeune homme, mais il n'est pas il est plutôt frais non plus, hein, et la vie ne l'a pas épargné. Claude, c'est un ami de l'émission. Il est de retour et il se prépare à l'été. Il recherche un job d'été qui pourra permettre à ses finances d'être à nouveau à flot. Claude, on se connecte à vous. Quel métier allez-vous essayer là ? Yo, ouais, enfin, tout le monde va bien ? Rien à signaler depuis une heure. Non, tout va bien. Kix, ça va, toi? Oh, parfait, oui, ouais, j'en Maëva forme, aussi, elle a l'air en forme. Oui, nickel. Voilà, enfin, un peu chaud, mais tout va bien. Alors, est-ce qu'on peut revenir juste sur le métier, Claude, hein? Parce qu'on est un peu en retard dans l'émission, il faut qu'on avance. Ouais, quand c'est pour son Claudie, on n'a jamais de temps, c'est bien. Hein? J'ai trouvé un petit boulot qui pourrait bien m'aller. Ah. Je vais monter un escape game dans ma cave. Oh. Je vais cornioler les murs avec un système de poulies et de leviers. Les gens qui tomberont dedans vont devoir être bien malins pour s'en faufiler, hein. Il y aura des petits pièges comme l'interrupteur mal isolé, le tuyau d'eau qui fuit, l'arrivée d'électricité dénudée. Oh, et si même les rats, ces sales bêtes, ne leur font pas peur, je mettrai en route ma chaudière au gaz qui fuit et bam, canon à confetti humain. Oh, excellent. Claude, c'est de la séquestration et de la maltraitance. C'est encore un crime puni par la loi. Mais c'est un jeu, hein, de loi. Couleur. Crains de crever, moi, ici. Oh, c'est immonde. Claude, enfin. On va en rester là. Je compte sur vous pour la semaine prochaine. Soyez sur le terrain. L'escape game, c'est pas fait pour vous. Et s'il vous plaît, faites-nous vraiment explorer un job d'été. Salut, Claude. Ok, vous êtes devenu exigeant ici, hein. Les petites guignolades d'avant, ça vous suffit plus. Un tir sur mon doigt et des confettis dans le cul, ça vous fait plus rigoler. C'est déjà la nouvelle génération de gens rigolos qui ont pris la relève, hein. Moi, je peux faire du Paul Mirabel, hein. Je suis... ouais, sorry. Allez-y. Je suis allé au Canada l'année dernière. J'adore ce pays. J'y vais tous les ans depuis un an. Putain, pourquoi vous riez pas? Allez, hein? Putain, vous m'avez cassé la tête, hein, bande de forains. Moi, je me casse les ringards. Allez, à plus dans le bus. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Les ringards, quand on dit à plus dans le bus, je suis désolé. Il y a débat. À la semaine prochaine, Claude. Le Blind Set arrive dans quelques instants. Les pires reprises de TikTok. Vous allez halluciner. Il y a encore du dossier cette semaine. Yes. C'est juste fou. Voici nos limites, juste avant. Bienvenue. Ouais. Là, c'est un grand moment. Je bande. Mais il est temps de retrouver le... Bah, ça va, quoi? C'est une chanson. Bah oui, mais bon. Je bande. Bah, c'est une chanson, hein, c'est pas moi. À quelques quêtes qu'il a. On est sûrement un jour férié. Jamais je n'ai eu un tel vieil. On est en retard, il est 22h. Et oh, on diffuse des titres où ils sucent des putes et machin, des trucs, hein, là. Ils disent des trucs comme ça. Nous on dit je borde, ça y est, c'est la fin du monde. Ouais. J'ai compris. Ouais. The music machine. Il est temps de jouer. Et ouais, attention, cette semaine encore du dossier. Le but est très simple. On prend des covers de TikTok et on essaie de retrouver les titres et interprètes originaux des chansons qu'on va massacrer. Enfin, que ces gens ont massacré. Oui, oui. Hein, non, on y est pour rien. Vraiment, on y est pour rien là-dedans, dans cette histoire, dans cet enfer. Maëvart. Oui. Je te présente notre nouvel huissier de justice. Ah. Parce que Maître l'ambiance nous a bien cassé les couilles la semaine dernière. Oui. Donc je vous présente Maître Le Feu. Il vient de Charleroi et il a beaucoup de joie de vivre. Bonsoir. Moi, bonsoir. J'en parlais, c'est dans le micro. Oui, c'est mieux. Oui. D'accord. Merci. Donc vous, c'est Maître Le Feu. Hein. Ouais. Allez, ok, il y a de l'ambiance. Ah, c'est super. Ça nous change de la semaine dernière. Ouais. Autant Maître l'ambiance, il mettait vraiment l'ambiance. Trop. Autant Monsieur le Feu, là. Je vous trouve marrant. Ouais. Allez, je vous propose de compter les points. Hein. Ça suffira, ça, non? Oui, je peux faire 100. Parfait. Et nous, on va démarrer avec la première cover qui nous vient de TikTok. Je vous présente Ashley. Ah, bonjour Ashley. Et on écoute sa cover. I call you when I need you, my heart's on fire. Ils ont mis le plus dur au début. You come to me wild wire. Qu'est-ce qu'il y a, Kix? Pourquoi tu gesticules comme ça? Parce que je reconnais, mais j'essaie de mettre ça dans la bonne version. Ah oui, c'est peut-être pas la bonne version. Tina Turner. Pourquoi Tina Turner? Quel titre de Tina Turner? Non? Oui, mais ça s'écrit pas en français, Maëlle. Je confirme, c'est Tina Turner. Ah. Simple anything. Je sais pas ce qu'elle dit. On partira pas tant qu'on n'a pas le titre. Là, ça doit péter, ça fait. You simply the best. Eh mais quand même. Hein. Grand même. C'est à ça que tu pensais, Kix? Non, pas du tout. Mais, en tout cas, elle doit être de famille avec Maître le Feu, hein, parce que. Ah oui, attendez, on va lui demander. Maître le Feu. Ouais. Bon, on va vous présenter quelqu'un, vous me dites si vous la connaissez, d'accord? Ouais, mais j'essaie de m'en sortir déjà, alors ne mettez pas trop de bâtons dans les roues. Oui, bon, est-ce que vous la reconnaissez? Elle est peut-être de votre famille, écoutez. Ah ouais. Bah ouais, c'est ma cousine. Votre cousine Ashley? Ouais, et c'est aussi ma sœur. Ah, c'est parfait ça. Vous venez vraiment de Charleroi. On rigole, ça va. On vient dans les clichés, on vient d'Arlon, ça va, on a le droit. Moi, je trouve que c'est la double peine. Quand on vient d'Arlon et qu'on n'a aucun contact dans les médias, arriver là où on en est, c'est vraiment pas mal. C'est à peine s'il y a de la vie là-bas. Ah bah oui, ils savent même pas. Internet, c'était hier. Ouais. Allez, on écoute quand même la version de TikTok. On va peut-être en rester là parce qu'elle risque de se tirer une balle. Donc, ouh, chouette ambiance. Allez, c'est super. Maître le feu, on en est où au niveau des points? Oh, ben ça fait un point pour Maëf. Parfait. Et Kix? Bon, il a pas de points. Ok. Allez, on y va. Deuxième manche, soyez concentrés. Oui. Playing with my balance, I'm not afraid to fall. Maëva a l'air très concentrée et Kix, il danse. Frozen out of space, I should have known better. Et là, la mélodie est la bonne. The rain of fiery rocks, the sunlight of the dark. I'm dancing. Ça, c'est une chanteuse récente. Oui. Ah, c'est pour ça que je connais pas. Le titre a été dit. Fool. The Fool. Ouais, The Fool. Dua Lipa. Non, pas Dua Lipa. Elle a fait son grand comeback. Mais je crois que c'est. Ah, ok. Walking on the wire. Non, j'ai pas. Bon, comme vous avez dit le titre, je peux vous aider sur l'artiste. Si je vous dis Makeba. Comment? Makeba. Ou son autre titre, comme. Jane. Bonne réponse, Kix. Je résume Maëva qui me regarde en disant. Je ne vois pas du tout qui c'est. Mais même l'original, j'ai jamais entendu. Bah, ça, c'est nouveau. C'est une nouveauté aussi. Ah, ok. Plein de légèreté. Version TikTok. Oh, c'est fou. Je bande. Oh. Enfin. Oh. Et Charlot, arrêtez. Merci beaucoup, Cat Singer Forever. Les blazes sont incroyables. C'est fou. Je sais même pas quelle blase je me donnerais si je me lançais sur TikTok. Judge Dancing 32. Très au hasard. Ah, c'est complètement incroyable. Maître l'ambiance, on en est où au niveau des points? On s'en fait. En plus, vous avez une voix qui cale. Non, je suis en train d'avoir les justement 100 livres. Je disais, ça en faisait un partout. Donc c'est une égalité. Maëva, tu peux reprendre la tête. Comme Kix, tu peux remporter aussi ce c'est jeu. Vrai, tu es. J'ai déjà gagné un jeu aujourd'hui. Tu es en veine, comme on dit. Ouh. Ouh. Ouh. Ouh. Attention, là, concentre-toi. Troisième manche, tout de suite. Heart, Christina Aguilera. Voilà, t'es plié. On laisse durer le plaisir. Attention à la montée qui va être difficile. Et la douceur maintenant. Un titre absolument magnifique. Mais elle est sortie quand j'avais plus ou moins 10 ans, donc l'âge où tu fais des concerts et du coup je hurlais cette chanson. Spoiler alert, j'ai jamais bien chanté. Et voilà. Est-ce que l'ambulance peut fermer sa gueule ? Non, c'est pour moi, je les ai appelés. Non mais sans rire ici. Ah, on s'entend plus faire la radio. Je les ai appelés. Mais pourquoi mettre le feu ? Oh là là ! Parce que là, j'ai une petite chute de tension. C'est la deuxième fois que je gueule par la fenêtre. La prochaine fois, je sors mon balai et la canne de Maëva. Allez. Oh ! Oh, on ne rigole plus ici. Bon, version TikTok, Heart, ça donne quoi ? Oh, I'm sorry for blaming you. Non, ça donne rien, quoi. Vous avez un aperçu de ce que mes parents avaient. Attention. Et d'ailleurs, le téléphone s'est éteint, je pense, à ce moment-là. Incroyable. Il en a eu marre. Mais ouais, il a abandonné. Même TikTok a fait « Nous suspendons votre contenu » pour des raisons évidemment de qualité. Allez, on y va. On se fait l'avant-dernière manche. Mettre l'ambiance, le récap des points. Bon, pour l'instant, c'est Maëva qui mène le jeu. Allez, cool. C'est mettre le feu. Hein. Ah pardon, c'est mettre le feu. Mais vous dites rien en plus, vous. Moi, je ne vous écoute pas. Allez, c'est parfait. Est-ce qu'on arrivera à trouver enfin l'huissier de justice parfait d'ici la fin de la saison ? Ah, ça va être compliqué. Pour la dernière ? Peut-être pour la dernière. Mais si on demandait à un ami... Ah mais non, ils ne sont pas maîtres. Si vous allez tous les chercher au même endroit. Ouais, parce que le problème, c'est qu'on pourrait demander à n'importe qui, mais il faut un huissier de justice. Ils doivent tous être maîtres. On verra. Voici l'avant-dernière manche. On est prêt. Tout le monde est prêt. Oui. On se concentre. C'est parti. Kate Bush, Running Up That Hill. Oh là là. Ouais, va. Quel titre qui a été repopularisé ? Ouais, dans Stranger Things, scène emblématique. Où ils sont nus ? Non. Et là, non. Elle soulève la couette. Non. Et elle voit son copain qui lui dit... Je bande. Jadoul, on va te confisquer les boutons. Oh bah, ça sera compliqué pour la suite alors. Vous voulez quand même entendre le refrain version TikTok ? Oui. Mmh. On passe quand même de... Ah ça. And if only could. Oh là là. Make a deal with God. Pas d'effort. We now get into some hopelessness. We rain up that road. We rain up that hill. We rain up that building. Décale-toi s'il te plaît. Voilà, merci. Merci. Mettre le feu les points. Ouais, mais je vois plus ma feuille. Vous l'avez fait tomber sur moi, le monsieur. Ah voilà, c'est bon, je les ai. Ça fait 3 pour Maëva et 0... Non, 1 pour Kix. Ah, en plus, vous n'êtes pas précis. Non. Allez, c'est parfait. Rien, je vais dire une bêtise. Ok. Allez, merci à tous. C'est mon audition ici, où ça se passe comment ? Calmez-vous, hein. Et quand c'est son premier jour, on fait pas le malin. Et désolé, maître, de vous parler comme ça, mais ici, on rigole pas, on est à la NASA, hein. Eh ben, j'essaye de faire de mon mieux, alors je vous demanderai de bien respecter. Fais gaffe, il va s'énerver. Ouais, bah moi je le connais pas, mais me connais pas, hein. Vous vous droguez ? Hein ? Vous vous droguez ? Non. Pourquoi vous êtes amorti ? Je suis quoi ? Amorti. Endormi, si vous préférez. Parce que j'ai pas dormi de la nuit. Et pourquoi vous n'avez pas dormi de la nuit ? parce que j'ai du mal à dormir. Ah d'accord. Eh, c'est vous ça, non, mettre le feu, j'ai l'impression, non? Ouais, ça t'aime, moi, ils m'ont filmé à mon insu, et puis moi, ils mettent un procès. Pourquoi des vols de fromage? Bon, arrêtez, vous cassez l'ambiance de cette émission. Allez, vous, c'est bon. Allez, on vous rappellera pour le verdict final. Bah bravo. Voici la finale. Maëva, est-ce que t'es prête? Oui. Kix, est-ce que t'es chaud? Oui. The best music. C'est parti, hein. C'est parti, hein. C'est pas, c'est pas, c'est parti, hein. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. That's live. Je l'ai. On oublie tout. C'est Jadoul de la Trappe. Non, ça c'est. Mais non. Ah, non. Ah, c'est, on jouait pas encore là. On se met dans l'ambiance. Oh, tu veux pas qu'on fasse décoller l'ambiance de cette émission? La bonne réponse c'est oui. J'ai l'impression qu'il ne veut pas. Ah, il danse, pardon. Excusez-moi, il peut pas tout faire en même temps. 1000 watts de puissance sonore et 15000 watts de puissance lumineuse à votre disposition. L'ambiance est au maximum, l'équipe est absolument concentrée. Voici le dernier titre de ce Blanklet, le dernier titre du mois de mai. Le dernier titre... Ouais, c'est bon, je m'arrête. Pierre Demar. Quel titre? À chaque fois. Ne réveillons pas, ma mère sans aucun doute rêve d'un beau scout. Je connais jamais les titres. Bah, c'est ton problème. Moi, je me refasse l'album. Révise. Je voudrais bien savoir la loi des sentiments, des cœurs un peu brûlants en hiver. Si c'est à n'y rien comprendre, l'amour est. Je peux même faire la danse. Oui, bah merci, ça nous avance pas. À l'envers. Ouh, on sait. Si l'enfant toréador. Non, c'est pas docteur, c'est l'autre. Oui, c'est l'autre. Ouh, ah, je l'ai plus entendu. Voulez-vous me donner la mort, bien le sens à ma vie? Ma mère. Non, mais c'est une blague, personne ne l'a. Allez, c'est bon. Enfant de. Non, je rigole, c'est trop. Effectivement, Pierre Demar avec Enfant 2. C'est ça? Ouais, c'était wow. Ça. Ouh, c'est l'enfant du Touréal de la Sainte-Marie. Quel talent! Ma mère s'est mise aux poules pour son capitaine qui lui rend bien porté par la sec. On perd en bateau, mouche et rêvé. Ah là, ce sens du rythme, c'est juste incroyable. Mettre le feu, les oui. Points. Ah bah là, je vais beaucoup mieux, je me suis piqué, ça fait 3-2. 3-2, c'est parfait, Maëva a gagné. Maëva, elle a gagné. Et comme chaque semaine. Bon, yes. Bah, on se retrouve en podcast d'ici là sur toutes les plateformes. Jadoul, La Trappe, et moi, je vous souhaite une belle semaine. On vous fait des gros bisous. Bonne bisous. Semaine, oui. Bisous. Jadoul revient mercredi prochain.